Je débarque à cheval sur mes principes, t'auras compris. Si le rap était un commissariat, je serais le bon flic. Même quand je veux mesurer mes paroles, je les mâche mal. Et parmi tous que t'entends nous, t'écouteras et tu feras ton tri. Marre d'attendre après des galériens qui se demandent s'ils doivent parler des autres ou d'eux-mêmes pour au final parler de rien. Ferme-la et passe ton tour. Mes regrets, pas le temps pour vire-moi ce pendentif et casse ton cou. Rendu à l'état de dindon avec un peu de cervelle. On t'a pas dit qu'un rappeur ça doit se faire belle. Tiens donc, c'est vrai, embrasse mon trou. J'ai mal au mic, les BPM remplacent mon pouls. Mon blaze, c'est mon prénom plus mon nom d'emprunt. Et le dernier qui en a ri avait mal tenu la porte des chiottes dans le train. Depuis, il sait pas quoi foutre. Et il semblerait que sa copine ait pris des coups et que ce soit pas de la foudre. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte. Pour être honnête, les amateurs soignent valent bien des professionnels. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte pour être honnête. Les amateurs soigneux valent bien des professionnels. C'est le tour auquel de prier, hein. Celui qui parlera le plus d'embrouilles, de billets et de billage, de pillables. Faut plus rapper, faut aboyer. C'est ce qui marche, la gouaille et le boulot. Mais quand y'a un beat à plier, qui hache un loyer, un boulot. Je roule en 206, ça casse le mythe du voyou qui fait mouiller les pisseuses en slip. Dans ce milieu de faux cul, nous on avance sans eux, sans clip, sans souci du lendemain. Tranquille, t'occupe, j'encule. Quand j'ai pas dit j'encule, c'est vulgaire. Ici se coupe et j'y prends que virgule et bulle d'air. Tu avais un titre à plus d'un tulpère. Putain, tous les micros s'appellent frère, je tulpère. Qu'a-t-on pour la suite? Pas grand chose. Solitaire comme Brassin, je transforme un art en sauce. Mais de l'huile, pas de salade sans sauce. Et rembobine si t'as pas saisi le coup de la 206 ou si tu en perds ton latin. Je compte sur une renaissance quotidienne, donc chaque soir j'enterre mon matin. J'y, d'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte. Pour être honnête, les amateurs soigneux valent bien des professionnels. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte pour être honnête. Les amateurs soigneux valent bien des professionnels. Les mecs croient, tiennent un mène debout devant le char. Appelle-moi MC, j'assume. Je suis un challenger, un bien revanchard. Les qualificatifs que les vraies femmes réputent sont ceux que les chiennes admettent. D'un air débile un peu vantard. Tous les fins limiers de bons sont insignés de rire. Qui ne se contentent pas de s'indigner des devoirs emprunter des chemins sinueux pour dévier les sentiers battus et insidieux. Là dans ta punchline, c'est nul, ça fait mieux, vas-y vieux. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte. Pour être honnête, les amateurs soigneux valent bien des professionnels. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte pour être honnête. Les amateurs soigneux valent bien des professionnels. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte. Pour être honnête, les amateurs soigneux valent bien des professionnels. D'où est-ce qu'on sort, t'occupe? On reste discret comme une puissance occulte. Mets-toi ton. On n'a pas prévu de faire une chanson culte pour être honnête. Les amateurs soigneux valent bien des professionnels.